Chapitre 44e, La Baudruche. Maurice-André Turandot se présenta bel et bien au commissariat le lendemain matin. Sûr de son bon droit, il était légèrement en retard et de très mauvaise humeur. Il était accompagné de Thérèse. Seule petite différence, celle-ci était coiffée sagement en arrière, les cheveux bien ordonnés. C'est donc d'un ton très hautain et très suffisant qu'il pénétra dans le bureau de Dutilleul. « Monsieur, sachez pour votre gouverne que j'ai été averti des menaces que vous avez proférées envers l'un des membres de ma famille et que vous m'en donnerez raison. Je porte un nom respectable et aucun fonctionnaire de police, si gradé soit-il, n'a le droit de se comporter comme vous venez de le faire. J'ai d'ores et déjà fait savoir que j'attends qu'une sanction lourde soit prise à votre endroit. J'espère pour vous que vous avez de bons appuis, car sachez que pour ma part, je vais largement user des miens. » Dutilleul, sans aucun regret, perdit le fil d'un discours qu'il connaissait par cœur. Ce n'était pas la première fois qu'on lui sortait ce genre de couplet. Aussi n'allait-il pas franchement se mettre la rate au courbouillon pour si peu. S'il avait dû s'arrêter à chaque fois qu'une menace avait été proférée. En attendant, et certainement à son corps défendant, l'autre lui avait dévoilé un bel angle d'attaque dans lequel, enfin stratège, il allait s'engouffrer sans remords. Monsieur Maurice-André Turandot était du genre petit roquet, et Dutilleul les avait en horreur. Aussi, sans que l'autre n'y comprenne rien, Dutilleul sortit-il le fameux cahier bleu. Il devait retrouver le passage, et quand ce fut fait, il se mit à lire, d'une voix aussi impersonnelle que glaciale. « Quant à l'ingénieur, je l'ai rencontré ce matin. Un type assez sympa, un peu dans la lune. » Il m'a filé quelques exos histoire de voir où j'en étais. Il a eu l'air agréablement surpris. Nous avons tout de suite pu établir un planning de travail. Nous avons convenu de travailler ensemble 4 heures par semaine, que je payerai comme 8, plus un petit bonus si cet avancement reste secret. Pense bien qu'il ne s'est pas fait prier pour accepter. Et moi, cela ne me coûtera pas davantage, car papa se fera un plaisir de régler la note. Ce que les hommes peuvent être cons parfois. Surtout que trop heureux, il ne posera pas de questions. Je laisse Madrier prévenir papa et établir le précieux laissez-passer. 4 heures dehors, le rêve. L'effet fut immédiat. L'homme se calma net. C'est déjà d'une voix nettement plus convenable qu'il demanda. « Qu'est-ce que vous venez de lire ?»« Quoi ? Ah, ça, ce n'est que le journal de votre fille. Voyez-vous-même, je n'ai rien inventé. » Je crois que son contenu mérite quelques éclaircissements. L'homme parut soudain effondré. La baudruche se dégonflait d'elle-même. Dutilleul pensa malicieusement in petto. « Mauvais pour toi, ça, ma chère Thérèse. Papa se déballonne. »« Dans quel pétrin ? Je crois effectivement que c'est exactement le mot qui convient. Je vous conseille de lui trouver un bon avocat, votre très chère fille. Vous n'allez pas la rater. » Croyez bien que mes sentiments ne rentrent absolument pas en ligne de compte. Seulement, il lui faudra bien affronter les jurés à un moment ou un autre. Je ne pense pas que ce journal joue en sa faveur. Vous ne saviez vraiment rien. Non. Croyez bien que je tombe des nues, même si j'ai toujours pensé que Madrier est un incapable. Après tout, c'est lui le véritable responsable. C'était à lui d'empêcher tout ça. On le paye assez cher. La dernière phrase fut ajoutée avec un mépris si total que la colère de Dutilleul se ralluma instantanément. Pourtant, il devait se maîtriser, car l'autre avait malgré tout un poids qu'il ne pouvait négliger. Elle n'en sera pas moins lourdement condamnée, toute mineure qu'elle est. Ce n'est pas encore fait. Autant toutefois vous y préparer, du moins si c'est possible. Si seulement je parvenais à comprendre. Je crois, pour ma part, que son journal est assez clair. C'est surtout à votre père qu'elle en veut. C'est que, il est vrai, il n'a jamais supporté qu'elle soit une fille. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est lui, en fait, qui l'a inscrite au tournelle. Je n'ai jamais osé le lui dire. J'avais honte. Je savais que c'était parfaitement injuste, mais je n'ai rien pu faire. À l'époque, je démarrais mon business et mon père m'a été bien utile. Je ne parle pas financièrement, car j'ai eu autant de prêts que je voulais, mais j'avais surtout besoin de son carnet d'adresses. Il m'a fait bénéficier sans limite de son réseau d'amitié, et les affaires ont rapidement fructifié. 2 ans plus tard, j'ai pu me tourner vers l'international et asseoir définitivement ma position. Il a été aussi de bons conseils quand il s'est agi de créer ma marque. J'ai pu, toujours par son entremise, m'adresser aux meilleurs établissements. Les retombées n'ont pas été longues à venir. Les budgets engagés ont été remboursés au bout de 6 mois. Mes produits plaisaient. Alors pourquoi le contrarier à propos d'une gamine? Je l'ai regardé partir pour les Tournelles sans vraiment me sentir concerné. Je voyageais déjà beaucoup. Les journées étaient très longues et puis j'avais ma femme pour s'occuper de tout cela. À elle de me faire savoir si Thérèse manquait de quelque chose, mais cela n'a jamais été le cas. Comment s'est passée son intégration? Sans problème, du moins pour ce que j'en sais. De toute façon, il valait mieux car mon père n'aurait jamais accepté qu'elle change d'école. C'était un homme de l'ancienne génération, vous comprenez? Il ne s'embarrassait pas avec les états d'âme des autres. Avec lui, il n'y avait pas le choix. Et vous, qu'en pensiez-vous? Moi? Que voulez-vous que je vous dise? J'ai pensé que cela ne pouvait être bien terrible, même si c'était plus la place d'un garçon qu'autre chose. Pourquoi ne pas l'avoir changé ou retiré quand votre père est mort? Oh, eh bien, j'avoue en fait que c'était plus pratique. Et puis Thérèse marchait bien, alors pourquoi la mettre ailleurs? J'avais les moyens de payer sa scolarité sans problème, alors je ne me suis pas posé de questions. Autre chose, saviez-vous que votre père possédait un cahier bleu avec les statuts du club 23 et que votre fille en a eu connaissance? Maurice André Turandot perdit un peu de sa contenance. Ben, c'est que, oui, je connaissais parfaitement l'existence de ce cahier. Il n'en a jamais fait mystère, même si, je dois bien le dire, je n'ai jamais compris son engouement pour ce maudit club. Vous-même en avez fait partie? Oui, du moins si l'on peut dire. À l'époque, nous n'avons mené absolument aucune action. On achetait surtout de l'alcool et du haschich. Vous voyez que ça n'allait pas très loin. Pour ma part, j'ai toujours trouvé cela un peu ridicule. Je n'ai même jamais été capable de retenir mon pseudo. C'est vous dire si pour moi c'était important. Je n'ai jamais partagé le goût de mon père pour le secret. C'est vrai qu'il y avait des gens bien au Club 23, mais il y en avait aussi en dehors. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, nous n'avions pas précisément les meilleurs résultats. Nous, on se contentait de se maintenir, sans aucun effort, autour de 13. Il y avait des mecs qui, eux, tournaient autour de 18 ou 19. Croyez-moi, cela méritait tout autant leur place au Club 23 que nous. C'est pour ça que très vite, cela n'a plus compté. Vous n'avez pas répondu à la seconde partie de ma question. Saviez-vous que votre fille a eu connaissance de l'existence et des statuts? Croyez-moi, cela méritait tout autant leur place au Club 23 que nous. C'est pour ça que très vite, cela n'a plus compté. Vous n'avez pas répondu à la seconde partie de ma question. Saviez-vous que votre fille a eu connaissance de l'existence et des statuts du club? Non. Du moins, j'ignorais qu'elle les avait trouvés. Il faut vous dire que la mort très brutale de mon père a complètement désorganisé les choses. J'étais complètement désorienté, surtout que son cœur n'avait jamais connu d'alerte. Je suis rentré en catastrophe et il a bien fallu parer au plus pressé. J'ai donc demandé à Thérèse de débarrasser le bureau de son grand-père. À l'époque, je n'ai rien vu de mal. Comprenez, j'étais anéanti par le chagrin. De plus, je devais prévenir toutes les relations de mon père, ce qui n'était pas une mince affaire. Alors, quand j'ai fini par reprendre mes esprits, j'ai toujours regretté ma décision. Ce n'était pas le travail d'une petite fille. J'aurais dû m'en charger moi-même. Seulement, quelques jours plus tard, je devais repartir pour l'Amérique du Sud. Je crois me souvenir qu'on ouvrait notre bureau à sucre, et il était impensable de rater cela. Toutes les invitations étaient lancées et il fallait que je sois là. Pourquoi votre femme ne s'en est-elle pas chargée? Eh bien, elle a refusé. Elle ne voulait rien avoir à faire avec mon père. Je sais qu'elle le détestait. Je n'ai jamais compris pourquoi. Certes, il n'était pas facile, mais je crois qu'il l'appréciait beaucoup, du moins à sa façon. Donc il ne s'était pas opposé à votre union? Bien au contraire. Il a vu en ma femme une sorte de bénédiction. Nous étions du même monde, et mon père connaissait très bien un de ses oncles. De plus, je ne peux nier que la dot de ma femme a si une certaine aisance, à laquelle, si je vous ai bien compris, vous n'avez guère touché. Effectivement. Cela ne s'est jamais révélé nécessaire. Mon père gérait tout et cela m'allait très bien. Il avait cette rigueur nécessaire que je n'ai jamais possédée. Moi, il me suffisait de savoir que nous étions à l'abri et d'exploiter au mieux le renom de ma belle famille. Je crains bien que ce renom ne vous sauve pas aujourd'hui. Bon, on verra bien. Au fait, je tenais à vous informer que de son côté, Tiphaine Gervelier est venue déposer plainte ce matin. Qui est cette Tiphaine Gervelier? C'est la jeune fille que votre propre fille a tenté d'étrangler sous mes yeux. Ah, je vois. Dutilleul laissa sortir Morissandre et Turandot de son bureau sans leur accompagner. Il voulait réfléchir. Cet entretien le laissait assez mal à l'aise. En effet, il n'était pas bien sûr que son interlocuteur ait saisi toute la gravité de la situation. Restait maintenant à voir Thérèse.